le mot oula et le mot aoula. Et quand on ne met pas la harakat et qu'on ne sait pas, eh ben on croit que c'est oula qui veut dire première. C'est pas première, c'est pas oula, c'est aoula qui veut dire ahaqa, qui veut dire qu'il y a le plus de droits. Retenez ça parce que c'est intéressant, ceux qui commencent surtout l'arabe, de bien ne jamais confondre entre le mot oula et le mot aoula, qui s'écrit de la même manière quand il n'y a pas les harakat. Donc, Othaymine dit bien qu'il n'est pas un des deux savants qu'on diverge, d'accord. Il n'y a pas un des deux qui a plus de droits, bil kaboul, d'être accepté que l'autre. Eh non. Chaque savant doit être accepté, c'est en regardant les arguments, les preuves sur quoi il se base et de la manière dont il va interpréter ses preuves. Donc, qui sont dans le Coran ou dans la Sunna, d'accord. À la base, parce que c'est le Wahid, c'est le Coran et la Sunna. Après, il y a d'autres preuves, d'autres dalils, qui sont notamment les quatre qu'on trouve dans les quatre écoles, qui est l'ijma, ensuite il y a le qiyas, mais ça aussi, si on fait du soulfiq, on en reparlera. فَوَجَبَ الرُّجُوعِ فِي ذَلِكَ إِلَى حُكْمٍ بَيْنَهُمَا وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc, le fait de retourner est obligatoire dans ceci, d'accord, quand il y a divergence, mais vers quel jugement entre ces deux? D'accord, entre ces deux savants qui divergent, c'est quoi? Wa kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite Al-Uthaymeen dit wa idha radadna hadha an-nizaa ila al-kitab wa sunnah, et si on renvoie wa idha radadna hadha an-nizaa ila kitabihi ila al-kitabi wa sunnati, si on renvoie cette divergence au livre. Quand on dit le kitab, le livre, c'est-à-dire le Coran. Ou la sunna, vous savez ce que c'est la sunna. Wajadna, alors on trouve quoi? Un al-kitab ou la sunnata, kilahuma yadullu ala kufri tariq as-sala. Et quand on trouve quoi? Donc si on renvoie ce problème-là, celui qui laisse sa prière, est-ce que c'est un mécréant ou pas? Alors Othaymeen lui dit, mais là aussi il faut comprendre, c'est son avis, hein, et qui aussi, je vous le dis, aussi le mien. Donc on trouve que le livre, donc le Coran et la Sunna, les deux, indiquent à la mécréance de celui qui délaisse, qui abandonne la prière. Là, le Othaymeen le dit bien, El Kufrul Akbaru, El Mukhriju Anil Millah. Le grand Kufr, celui qui fait sortir de la religion. Voilà. Alors, bien sûr, certains d'autres savants, comme des exemples de savants que vous connaissez, par exemple, comme l'imam al-Nawawi, rahimahullah, qui était un shafi'i, lui, pour lui, c'est qu'il fait délaisser la prière, ce n'était pas un mécréant, c'était toujours un musulman, un fasiq, d'accord. Et comme je vous l'ai dit, la majorité des khalaf, de ceux qui sont venus après les troisième génération, d'y voyaient comme quoi ils n'étaient pas un mécréant. Je vais continuer, Inch'Allah. Il est quelle heure? 48, c'est bon. Voilà. Ensuite, Al-Othaymeen dit ceci. Awalan, premièrement, min al-kitab par rapport au livre et par rapport au Coran, la preuve de ceci par rapport au Coran. Qala ta'ala fi surat al-Tawbah. Donc Allah Azza wa Jal a dit dans la surat al-Tawbah, le repentir. Fa'in tabu wa qamu salat wa ataw zakah. C'est donc la sourate Tawbah, le verset numéro 11. Donc Allah Azza wa Jal a dit, excusez-moi, il y a un frère qui veut me dire quelque chose, ça se trouve c'est important par rapport. Non, tu m'entends? Ah, apparemment, j'ai dû couper. Excusez-moi, il y a eu une coupure. J'ai coupé le micro sans faire exprès. Donc, je reviens. Donc, alors, Othaymeen a dit ceci. awalan min al-kitab. Premièrement, par rapport au livre. Donc l'argument, il va argumenter maintenant comme quoi celui qui ne fait pas la prière, c'est un mécréant. Et par rapport au Coran. Awalan min al-kitab. Qala ta'ala fi surat at-tawbah. Donc Allah Azza wa Jalla a dit dans la sourate qui s'appelle at-tawbah, le repentir.